نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. Avant donc de commencer le cours d'aujourd'hui, dans notre série de cours de l'explication de Cheikh Bazmoul, حفظه الله تعالى, du livre Sifat Salat al-Nabi, qui est la description de la prière du prophète, qui est un livre écrit par Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Je voudrais en fait rebondir sur ce qu'a dit notre frère Moussab juste à l'instant. Donc demain, inshallah, il n'y a pas cours. Nous, entre nous, il n'y a pas cours. On m'a téléphoné pour prévenir qu'il y avait un cours avec Cheikh Zayd. Évidemment, Cheikh Zayd, hafidahullah, Ibn Hadi al-Madkhali, il a pression sur nos cours. Donc demain notre cours est annulé et on assistera inshallah par téléphone au cours de Cheikh Zayd bin Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala. C'est un cours qui est organisé par nos frères de Manchester, hein, du centre du Mejid Salafi là-bas. Et donc à mon avis il va y avoir une traduction en anglais par nos frères de Manchester. Et inshallah il est possible, peut-être pas simultané, mais il est possible que je fasse une traduction en français. Inshallah, après ou... D'accord. Donc, Inch'Allah, on rentre dans le cours. Et je voudrais aussi annoncer, au fait, voilà, c'est ça la deuxième annonce que je voulais faire, c'est qu'on a, on a lancé le site. Hein, je sais qu'il y a des frères qui demandaient beaucoup après le site. Alhamdulillah, maintenant c'est fait. Alhamdulillah, alladhi bin'imati tatimmu salihat. Et donc, pour les frères qui veulent avoir l'adresse, notre frère Mourad ici, il va faire un copier-coller sur Paltalk, Inch'Allah. Et pour les frères qui sont devant moi, c'est SPF, donc www.spfbirmingham.free.fr. Donc SPF pour en fait Salafi Publications francophone, birmingham.free.fr. Donc en fait c'est un site internet qui en fait nous permet de mettre en ligne les cours et le côté, si vous voulez, francophone, la da'wa ici au Mejid Salafi de Birmingham. D'accord. Donc si vous allez sur le site, vous allez trouver en fait qu'est-ce que nous on fait en tant que frères francophones ici à Birmingham, c'est-à-dire qu'on trouve les cours qu'on fait le samedi et dimanche. Et pour les frères qui veulent, Inch'Allah, je leur répéterai après, Inch'Allah, le site. Donc vous trouverez les cours qu'on fait, ainsi que le cours que Hassan Abou Asma, hafidahullah, il avait fait quand il était de passage ici. Hein, j'étais venu d'ailleurs à cette époque-là, parce que j'habitais pas encore ici. Et vous allez trouver aussi des informations sur la da'wa locale. Ça, c'est plus pour les frères qui ne sont pas ici, qui ne sont pas résidents ici, qui sont à l'extérieur et qui veulent avoir en fait des renseignements et des informations sur ce qui se passe ici. Vous avez aussi des liens. C'est les liens en fait, qui vous renvoient vers les sites anglophones de la da'wa ici, salaf.com, salafitalk, ce genre de sites-là, Inch'Allah. On commence le cours, Inch'Allah. Donc, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit Al-Qiyam. Al-Qiyam. Cheikh Mohamed Bazmoul, hafidahullah ta'ala, il explique ce titre-là et il dit Al-Qiyam fi salati al-mafroudati ma'al qudrati wa adam al-mani'i huwa ruknun min arkaniha wa al-dalilu ala thalika qawluhu ta'ala wa qoumu lillahi qanitin, surat al-Baqarah, wa anna al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam ma salla salat al-fard qat illa qa'ima. وأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته في السفر إذا كان يصلي تطوعا ونفلا ف فإذا أراد أن يصلي الفرض نزل على الأرض ووقف وأدى الصلاة عن قيام. قال ابن عبد البر النمري رحمه الله تعالى في التمهيد وهو شرح الموطأ: وأجمع العلماء على أن القيام في صلاة الفريضة فرض واجب على كل صحيح قادر عليه لا يجزيه غير ذلك إن كان منفردا أو إماما. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والمقصود بالصلاة المفروضة الصلوات الخمس: صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. Donc qu'est-ce qu'on a ici dans ce chapitre ici? On nous parle de l'qiyam. C'est quoi l'qiyam? C'est la position, hein? La position debout, na'am. Donc Cheikh Bezmoul, il explique ce titre-là, il explique justement ce mot-là, l'qiyam, et il dit, hafidhahullah ta'ala, la position debout dans la prière obligatoire, hein? C'est une précision importante, dans la prière obligatoire qu'on appelle comme en arabe, on avait dit, al-farida, hein? Ou bien si vous voulez, mafrouda, hein? Si on a la capacité, et si rien ne nous empêche, c'est-à-dire d'être en position debout, ce qu'on appelle quoi en arabe, hein? Mani', hein? Donc je répète la phrase, la position debout dans la prière obligatoire, si on a la capacité et si rien ne nous empêche, hein? C'est-à-dire si rien nous empêche d'être en position debout, ce qu'on appelle donc un mani', un empêchement, eh bien c'est un pilier parmi les piliers de la prière obligatoire, ce qu'on a appelé as-salatu al-mafrouda, hein? Du mot fard, on avait déjà vu c'était qu'est-ce que était le mot fard, et on avait déjà parlé de ce point-là, et je parle du, je veux dire ici par là, le pilier, le rukn, qui est le qiyam. Quand est-ce qu'on en avait parlé? Qui s'est me rappelé? Dans Shurut Salah, tout simplement. Pourquoi? Parce que Shurut Salah, le titre complet, c'était quoi? On avait dit Sharh Shurut Salah wa arkaniha wa wajibatiha. On avait expliqué quoi? Les conditions de la prière, les piliers de la prière et les obligations de la prière. Cheikh Al-Mahsin Al-Abad, hafidhahullah, il les a tous expliquées. D'accord? Donc on avait déjà parlé de ça. À la kulli hal, la preuve de cela, la traduction du sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Wa qumu lillahi qanitin. Sourate Al-Baqarah, verset 238. Et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a prié la prière obligatoire, yani al-fard, que debout. Il ne l'a prié que debout. D'accord? Et qu'il priait sur sa monture en voyage, s'il priait une surrogatoire, ce qu'on a appelé plusieurs fois dans nos cours, soit on avait appelé ça un nafl, hein, nafila, ou bien un tatawwu', barakallahu fik. D'ailleurs, c'est le titre du livre que nous on avait publié à l'époque, je vous avais dit, de Cheikh Bezmoul, hein, Bughayat al-mutatawwi' fi hukmi salat al-tatawwu'. Et c'était édité à nos éditions d'ailleurs à l'époque, à la kulli hal. Donc, al-tatawwu' ou bien al-nafila, qui veut dire, en résumé, en français, une surrogatoire. D'accord? Donc, le prophète, alayhi salam, il priait sur sa monture en voyage s'il priait une surrogatoire, et lorsqu'il voulait prier la farida, ou bien le fard, hein, il descendait de sa monture, alayhi salam, à terre, et se mettait en position debout, et priait dans cette position debout, donc on a appelé comment? Al-Qiyam. D'accord? Alors ici, Cheikh Bezmoul, hafidhahullah ta'ala, il nous rapporte une parole d'Ibn Abd al-Barr. Hein? Et c'est un savant dont je vous ai déjà parlé. Hein? Ibn Abd al-Barr al-Namri, mort en l'an 463 de l'Hégire. Hein? Rahimahullah ta'ala, c'est un grand imam. Il a dit dans son Tamhid, volume 6, page 138. Donc, Tamhid, c'est quoi Tamhid? Qu'est-ce qu'on avait dit? C'était Sharh de Muwatta al-Imam Malik, na'am. Les savants sont unanimes. C'est quoi, comment on appelle ça, hein? Ijma', ou bien ittifaq, hein? On avait parlé de ce qu'était l'ijma' quand on en avait parlé dans le cours de Cheikh au Sultanat de qui de Cheikh Abel Jabir, barakallahu fik, na'am. Donc Cheikh dit, les savants sont unanimes, hein, que la position debout dans la prière farida est une obligation pour toute personne en bonne santé capable de se tenir en position debout, et que rien d'autre ne lui est permis, qu'il soit imam ou seul. Comme il a dit ici en arabe, il a dit dhalika in kana munfaridan aw imaman. Munfarid, on avait expliqué c'était quoi, c'est-à-dire le fait de prier seul, hein. On avait dit quoi, il y avait l'imam Al-Munfarid, celui qui prie. Seul, l'imam, c'est celui qui guide la prière. Al-Munfarid, c'est celui qui prie. Seul et... Hein? Ben, il ne reste plus que celui qui est derrière l'imam. Al-Ma'moum. Avec un mime, hein? Al-Ma'moum. D'accord? Celui qui est derrière l'imam, c'est-à-dire qui est guidé par l'imam. Hein? Et donc, il dit que c'est obligatoire pour lui qu'il soit imam ou seul. D'accord? Et continue Cheikh Bazmoul, et il dit un point important ici, il dit, donc fin de citation de Cheikh Ibn Abdelbar, et moi ici je voudrais vous faire une petite précision ici, vis-à-vis de ma traduction. Quand vous voyez dans le texte en arabe, hein, quand on le relit, on voit ici que j'ai dit وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءَ عَلَىٰ أَنَ الْقِيَامَ فِي صَلَاتِ الْفَرِيضَةِ فَرْضٌ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ صَحِيحٍ. J'ai traduit ça par en bonne santé, barakallahu fik. Hein? Ici, donc, Cheikh Bazmoul, qu'Allah le préserve, va utiliser ici en arabe le mot sahih, que j'ai traduit moi par en bonne santé. Et c'est évidemment le sens de ce qu'il a voulu dire ici par sahih, c'est-à-dire qu'il n'est pas malade. Hein? Alors, ici, il pourrait rapporter un point important, Cheikh Bazmoul, il dit, Hafidahullah, ce que l'on entend ici, ce qui est désiré ici, ce qui est voulu ici par cela, c'est quoi? Par salat al-mafrouda, ce sont les. Hein? Les cinq prières, barakallahu fik, na'am. Et c'est la prière du dhuhr, al-asr, Al-Maghrib, Al-Isha et Al-Fajr. D'accord ? Ensuite, Cheikh Al-Albani continue, rahimahullah, il dit وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَقِفُ فِيهَا قَائِمًا فِي الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ اِئْتِمَارًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. Sourate Al-Baqara. Donc, qu'est-ce que nous dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit il, c'est-à-dire qui ? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se tenait debout pour la prière. Aussi bien l'obligatoire que la surrogatoire en se conformant à la parole d'Allah dont la traduction du sens est « Et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Hein, » je sais que peut-être pour certains frères qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas un esprit de synthèse, ça peut prêter à confusion, malade, surrogatoire, en voyage, etc. Vous inquiétez pas, à la fin, Cheikh Al-Albani, justement, lui-même, il fait un résumé. Hein? D'accord, Inch'Allah. Donc... Qu'est-ce que dit Cheikh Bazmoul ? Il dit, en se conformant à la parole d'Allah Azza wa Jal, dont la traduction du sens est « Et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. » C'est évidemment la parole de Cheikh Al-Albani ici, qui cite un verset du Coran. Sourate Al-Baqara, verset 238. Alors Cheikh Bazmoul, eh bien, il commente ce passage-là et il dit « قَوْلُهُ تَعَالَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ الْمُرَادُ بِالْقِيَامِ الْقِيَامُ فِي الصَّلَاةِ كَمَا قَالَ ابْنُ الْجَوْزِي فِي زَادِ الْمَصِيرِ فِي زَادِ الْمَسِيرِ عَفْوًا فيه أمر بالقيام في الصلاة قانتين يعني طائعين فيشمل هذا طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل ما جاء عنه في أمر القيام في الصلاة من خشوع وعدم كلام واطمئنان وأداء للصلاة على الهيئة التي أمر بها الله سبحانه وتعالى وعلمنا إياها رسوله صلى الله عليه وسلم. Hein, et c'est un point quand même aussi important. Qu'est-ce que nous dit Cheikh Bazmoul, hafidhahullah ta'ala? Il dit qu'Allah le préserve dans son commentaire concernant ce passage, la traduction du sens de la parole d'Allah est « Tenez-vous debout devant Allah avec humilité ». Ce qui est voulu par Al-Qiyam ici, c'est-à-dire la position debout. Dans la prière, comme l'a dit Ibn al-Jawzi. Qu'est-ce qu'on entend par Al-Qiyam ici? « Wa qumu lillahi qanitin ». Ce qui est voulu par qumu, Al-Qiyam ici, c'est la position debout dans la prière. Hein? Comme l'a dit Ibn al-Jawzi dans Zad al-Masir, volume 1, page 284. Il y a en cela, donc Cheikh Bazmoul continue, il dit, il y a en cela l'ordre, il y a en cela l'ordre de se tenir debout dans la prière. Qanitin, qu'est-ce que ça veut dire? On a dit, ça veut dire ta'i'in, obéissant. Ici, un point important, il dit Cheikh Bazmoul, hafidahullah, ceci englobe l'obéissance au messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans tout ce qui a été rapporté de lui concernant l'ordre de se tenir debout dans la prière. Hein? Je répète cette phrase qui est importante. Ceci englobe l'obéissance au messager, alayhi salatu wassalam, dans tout ce qui a été rapporté de lui concernant l'ordre de se tenir debout dans la prière. la concentration, de ne pas parler, l'apaisement et de s'acquitter de la prière de la manière dont Allah nous a ordonné de nous en acquitter. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Hein? Et vous vous rappelez du hadith, sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu, priez. Hein? Cheikh Al-Albani rahimahullah, il continue, hein, pour les frères qui ont le livre, tourne la page inshallah, et il dit: "Wa amma fi as-safar fa kana yusalli ala rahilatihi an-nafilah wa sanna alayhi salatu wassalam li ummatihi an yusallu fi al-khawf ash-shadid ala aqdamihim aw rukbana kama taqaddam." وذلك قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. سورة البقرة. وصلى عليه الصلاة والسلام في مرض موته جالسا. D'abord, avant de continuer, on voudrait d'abord, Cheikh Bazmoul ici, commente le premier passage jusqu'à والصلاة الوسطى. Ce qui est un point à préciser ici vis-à-vis de As-Salat al-Wusta. Donc, Cheikh Bazmoul, il commande ça et il dit: Hafidhu. Je traduirai peut-être la parole de Cheikh Al-Albani, cette partie-là, comme ce ne sera pas trop long pour les francophones. Et il dit, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, par contre, en voyage, il accomplissait les prières surrogatoires sur sa monture. Il a institué, c'est-à-dire, on a utilisé le mot arabe ici, Sanna. Sanna. Hein? Il a institué. Rendu sunnah, hein, pour sa communauté de prier debout ou sur une monture lors de la grande peur, comme cela a été cité précédemment. On en a déjà parlé. Hein? Et c'est la traduction du sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: soyez assidus aux prières et surtout la prière médiane, à Salat al-Wusta, et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Mais si vous craignez, hein, un grand danger, alors priez en marchant ou sur vos montures. On en avait déjà parlé dans un de nos cours précédents. Hein, pour les frères qui n'étaient pas là, alhamdoulilah, on a le site internet maintenant. Hein. Je sais que les cours qu'on a fait de Cheikh Bazmoul, ils ne sont pas encore dessus, mais on les a déjà. Il faut que le frère qui s'en occupe revienne de voyage, Inch'Allah, il s'en occupera. Donc, puis quand vous êtes en sécurité, invoquez Allah comme il vous a enseigné ce que vous ne saviez pas. Surat al-Baqara, verset 238-239, et comme on a dit, donc, c'est donc la traduction du sens de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Bazmoul, il dit dans son explication, dans son commentaire de ce passage, il dit: حافظوا على الصلوات, c'est-à-dire الصلوات المفروضة الخمس وخص منها والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر على الأرجح من أقوال أهل العلم والسر في تخصيص صلاة العصر بالذكر لأنها وقت انشغال الناس في العادة فحثهم على الاهتمام بها وعلى عدم إضاعتها حتى يخرج وقتها. وقد جاء في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. قال أبو عبد الله, صديقي أبو عبد الله البخاري, الإمام البخاري رحمه الله صاحب الصحيح: يتركم وترت الرجل إذا قتلت له قتيلا أو أخذت له مالا. انتهى كلامه رحمه الله. أخرج البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب إثم من فاتته العصر, ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب التغليظ في تفويت صلاة العصر. ومعنى وتر أهله خسرهم, خسر أهله, كأن أهله هلكوا إذا فاته أداء صلاة العصر في وقتها, والمراد بالفوات أن لا يؤدي الصلاة في وقتها بدون عذر. شيخ بزمول حفظه الله, il commente ce passage, il dit: et la traduction du sens de la parole d'Allah: soyez assidus aux prières, hein, c'est-à-dire quoi, on avait dit les cinq prières obligatoires. Puis a été cité plus particulièrement. Pourquoi, Cheikh Bazmoul? Qui sait, peut-être les frères qui connaissent le verset, qui sait me dire pourquoi il a dit ça, Cheikh Bazmoul, ici? Pourquoi il a dit plus particulièrement? Hafdou ala salawati wa salati al-wusta. D'accord? Et c'est pour ça que Cheikh Bazmoul dit ça. Il dit, hein, que a été cité plus particulièrement la prière médiane. Hein? et surtout la prière médiane, hein, wa salatil wusta. Et c'est la prière d'al-Asr, dans, hein, selon l'avis le plus fort des gens de science. Donc selon l'avis le plus fort des gens de science, ça veut dire quoi? Qu'il y a déjà d'autres avis, hein? La sagesse dans le fait de citer, la sagesse qu'on appelle sir, le secret, la sagesse, dans le fait de citer la prière d'al-Asr en particulier, hein, et ça c'est déjà, on doit comprendre ça directement comme une nasiha pour nous. C'est parce que c'est la prière du temps où les gens sont occupés en général. Allah les a donc incités, Allah subhanahu wa ta'ala les a donc incités à prêter attention à l'ihtimam biha, à lui donner de l'importance, hein, à cette prière, et à ne pas la négliger jusqu'à ce que son temps soit passé. Il a été rapporté dans le hadith d'Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a laissé passer la prière de l'Asr, on va voir ça, qu'est-ce que ça veut dire, c'est laisser passer la salat de l'Asr, inshallah, c'est comme si, hein, on a dit quoi? Watira ahlahu wa malahu. Hein, qu'est-ce que ça veut dire watira ahlahu wa malahu? Eh bien, Abu Abdillah, l'imam al-Bukhari, hein, celui qui a écrit al-Sahih, Sahih al-Bukhari, a dit: yatirakum wa tartu ar-rajula, si tu as tué un membre de sa famille ou tu lui as pris de l'argent. Fin de citation. Et c'est rapporté par Al-Bukhari dans le livre des temps de la prière, chapitre du péché, écoutez le titre, chapitre du péché commis par celui qui laisse passer la prière d'Al-Asr, numéro 552. Et Muslim, livre des mosquées, chapitre de la gravité du fait de laisser passer la prière d'Al-Asr, numéro 626. Hein, rien que les titres sont déjà explicites. Cheikh Bazmoul dit, Watira ahlahu, c'est-à-dire il les a perdus. Il a perdu ses proches, sa famille. C'est comme si sa famille avait péri, s'il a laissé passer le temps de s'acquitter de la prière d'Al-Asr, à son temps. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre ici. Hein. Ce qui est voulu ici, par laisser la prière, c'est de ne pas s'en acquitter de la prière en son temps, sans excuse. Hein? Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il continue, il dit... وصلى عليه الصلاة والسلام في مرض موته جالسا وصلى كذلك مرة أخرى قبل هذه حين اشتكى وصلى الناس وراءه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا فلما انصرف قال إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. Donc Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, il dit, il a prié assis, c'est-à-dire qui encore une fois? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait dit qu'une des caractéristiques, d'une des valeurs, d'une des préséances de ce livre de Cheikh Al-Albani, et pourquoi les ulama, hein, on lui a donné tellement d'importance, c'était qu'on avait dit, c'est ça formulation, la formulation de Cheikh Al-Albani. Que la formulation de Cheikh Al-Albani, c'est quoi? C'est simplement le fait de rapporter les hadiths. C'est la parole du prophète, alayhi sallam. Regardez la précision de Cheikh Al-Albani. Hein? Regardez, il a prié. Hein? Directement, il a prié, alayhi sallam, assis pendant la maladie qui a précédé sa mort. Alayhi sallam. Il a aussi prié de cette façon avant cela, alors qu'il était souffrant. Hein? Et que les gens priaient debout derrière lui. Il leur a fait signe de s'asseoir et ils se sont assis. Quand il eut fini la prière, il dit: vous étiez sur le point de faire comme les Perses et les Romains. Ils se mettent debout pour le roi alors qu'eux restent assis. Ne faites pas cela, car l'imam a été désigné pour être suivi. Quand il s'incline, inclinez-vous. Quand il se redresse, redressez-vous. Et quand il prie assis, priez tous assis. Cheikh Bazmoul, il commande cela, il dit, حفظه الله تعالى, استدل أهل العلم بهذا الحديث على أن القيام في الصلاة مع كونه ركنا من أركان الصلاة إلا أنه يعذر بتركه عند عدم القدرة على ذلك أو لوجود مانع. وفي الحديث إذا صلى الإمام جالسا فعلى المأمومين أن يصلوا جلوسا أجمعون أي يفعلوا فعل الإمام كما جاء في هذا الحديث فإنه أمر الصحابة الذين كانوا خلفه قياما وهو يصلي جالسا لمرضه عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يصلوا جلوسا. Donc Cheikh Bazmoul, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, en explication de ce passage, il dit: les gens des sciences ont utilisé ce hadith comme preuve que la position debout, même si c'est un pilier parmi les piliers de la prière, que l'on est excusé lorsqu'on n'en est pas capable ou que quelque chose nous empêche de tenir debout. Ce qu'on appelait quoi? On a dit tout à l'heure un mani'. Il y a dans le hadith, dans ce hadith, si l'imam prie assis, que les gens quoi? Ce qu'on a dit qu'ils prient derrière lui, ils doivent tous prier assis, qu'ils prient tous assis. C'est-à-dire qu'ils fassent comme l'imam, comme cela est rapporté dans le hadith, car il a ordonné à ses compagnons, radiallahu anhum, il a ordonné à alayhi sallallahu salam, qui se tenait debout derrière lui, à ses compagnons qui se tenaient debout derrière lui, de quoi? De s'asseoir. C'est-à-dire qu'il a ordonné à ses compagnons qui se tenaient debout derrière lui, alors que lui était assis en raison de sa maladie, de prier tous assis. Alors pour ceux qui veulent plus de détails, je donne quelques références à ce sujet, voir ce livre justement que nous étudions sur Bezmoul, de la page 138 à 142. Donc délibérément, je n'ai pas tout traduit, c'est un résumé, on s'est limité à ça, pour rendre plus facile les choses. Mais pour les frères qui veulent plus de détails, qui veulent, inshallah, un peu comme on dit, voir la mes'ala en plus, ce point-là en plus de détails, voir ce livre-là, donc de Cheikh Bezmoul, page 138 à 142, et aussi Asl Sifat Salat Nabi alayhi salatu wassalam. De qui? De Cheikh l'Albani. C'est quoi l'édition en 3 volumes? Et je vous donne la référence, volume 1, page 85 à 90 ou 90 pour les Français. D'accord? Et directement, pour les frères qui ont le livre, on passe directement à la page. ...142, comme j'ai dit d'ailleurs... ...Salatul Maridi Jalisan. Je lis d'abord ce que dit Cheikh Al-Albani, on traduit comme on fait d'habitude. Inch'Allah. وَقَالَ عِمْرَانُ حُسَيْنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ وقال أيضا سألته عليه الصلاة والسلام عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما وفي رواية مضطجعا فله نصف أجر القاعد والمراد به المريض وفغلا لكمانتر كيف شيخ بازمول جوست بار رابورت سي بتي باساج لا ايسي والمراد به المريض فقد قال أنس رضي الله عنه أرضاه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أناس أو على ناس وهم يصلون قعودا من مرض فقال إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وعاد عليه الصلاة والسلام مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومي إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce passage ici? Et on va le couper peut-être en deux, on va voir inshallah. Eh bien, Cheikh Al-Albani rahimahullah, il dit la prière du malade assis, c'est-à-dire en position assise. D'accord? Parce qu'on a vu quoi, le qiyam, la position debout, maintenant on voit la prière du malade en position assise. Imran ibn Hussein, pas Hussein, ibn Hussein avec Sad, a dit, radiallahu anhu ardah, je souffrais de ce qu'on appelle en arabe al-bawasir. Pour les frères qui sont maghrébins, on dit le bouassir en marocain, en algérien. D'accord, c'est quoi? C'est les hémorroïdes. D'accord. Elle dit, je souffrais d'hémorroïdes, j'ai donc interrogé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il m'a répondu, prie debout, si tu n'en es pas capable, alors prie assis. Si tu n'en es pas capable, alors allongé sur le côté. Imran ibn Hussein, radiallahu anhu arda, a dit aussi, ou dit aussi, je l'ai interrogé à propos de la prière assis. Et il a dit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, prie debout. C'est mieux, et la récompense de celui qui prie assis est de moitié de celle de celui qui prie debout. Celui qui prie couché, et dans notre version allongé, à la moitié de la récompense de celui qui prie. Suivez ou pas? Assis. Comme on a dit, il n'y a pas que les corps qui doivent être présents. Et les cœurs aussi, Inch'Allah. Donc, comme on a dit quoi? Celui qui prie couché, et dans notre version allongée, à la moitié de la récompense de celui qui prie. Assis. Alhamdoulilah, il y en a qui suivent. On désigne dans ce hadith la personne malade. Al-muradu bihi al-marid. Et on va voir que le Cheikh Bazmoul fait un petit commentaire par rapport à ça. Inch'Allah. Anas a dit, radiallahu anhu arda, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est arrivé devant des gens qui priaient assis pour cause de maladie. Il leur dit, en vérité, la prière de celui qui prie assis vaut la moitié de la prière de celui qui prie debout. Une fois, en arabe, on utilise le mot aada. Qu'est-ce que veut dire aada? Aada maridan, hein? Ce qu'on appelle en arabe dans les chapitres de fiqh, iyadat al-marid. C'est-à-dire, ikhwan, tout simplement visiter ou la visite du malade, hein? Visiter le malade, d'accord? Il a dit une fois, il visita une personne malade, alayhi salatu wassalam, d'accord? Et la vit prier accoudée, hein, sur un wisada, hein, un coussin. Il le prit et le jeta. L'homme prit alors un bâton pour s'appuyer dessus dans la prière. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, le prit et le jeta et il dit alors, prie assis par terre si tu peux. Sinon, fais des mouvements de tête et baisse-toi plus pour la prosternation que pour l'inclination. Et après, je vais vous rapporter pourquoi j'ai traduit le verbe ima. Hein? Ima'an aussi, comme on a dit, ima, par le fait de bouger la tête. Hein? Et là, je rebondis sur une question que m'a posée un frère. Hier, on parlait du fait d'apprendre la religion en français, etc. Wallahi ikhwa. Et je le dis encore, hein? Ici, les cours qu'on fait, c'est que pour approcher le ma'na. Si on veut apprendre le din, c'est en arabe. Hein? Comme je disais aux frères hier, nous, on veut rentrer dans une maison, on veut rentrer par la fenêtre, par où, sauf qu'on ne veut surtout pas prendre la clé pour ouvrir la porte. Hein? Et quoi, les ulama, ils disent que l'arabe, la langue arabe, c'est miftah bab al-ilm. C'est la clé pour ouvrir la porte de la science. Tu veux ouvrir cette porte, tu dois avoir la clé. Tu ne peux pas l'ouvrir sans clé. Hein? Et ce que nous, on fait ici, hein? C'est juste pour qu'en attendant qu'on ait l'arabe, et bien, comme on a vu tout au début, vous vous rappelez dans le livre de Cheikh Rabi', hein, et pour la raison pour laquelle il avait écrit le livre Cheikh Rabi', pour les élèves de Médine, on avait dit pourquoi ? Pour justement leur permettre, mais par les arabophones évidemment, pour leur permettre de quoi ? De s'exprimer, hein, aisément en langue arabe, hein, de faire da'wah. D'accord ? Et bien nous également, une des raisons pour laquelle on fait ce cours, c'est d'améliorer notre langue arabe. De un, et de deux, d'apprendre l'autre dîne au mieux, au plus proche, on va dire, en français. Hein ? Et comme je disais aux frères hier, je disais, on est un frère qui est francophone et qui écoute un dars d'un frère francophone, il est dépendant du traducteur. Il est dépendant de la compréhension du traducteur. Voilà la preuve ici. Hein? Il y a des mots qu'on ne peut pas traduire de manière littérale. On est obligé de traduire par le sens. Hein? D'ailleurs, comme je vous dis toujours, les hadiths et les versets, on est obligé de revenir au tafsir, on est obligé de revenir au charah du hadith. Hein? D'accord? Donc, hein? Mais en sachant qu'on n'est pas des savants. Hein? Et on peut faire des erreurs en tant que traducteur. D'accord? Donc vraiment, une nasiha encore une fois, apprenez l'arabe, ya ikhwa. Alaykum bil arabiya, fa innaha min dinikum. Comme l'a dit Omar ibn Khattab, radiallahu anhu arda. Hein? Et Cheikh Al-Uthaymeen rapporte une règle toujours quand il parle la langue arabe à ce niveau-là. Il dit, ma la yatimu al-wajibu illa bihi, fa huwa wajib. Hein? Ce sans quoi tu ne peux pas t'acquitter d'une obligation devient par cela une obligation. La science, comme on a vu dans le premier cours, hein, on doit apprendre notre religion. Eh bien, est-ce qu'on peut prendre la religion sans l'arabe? Non. Donc l'arabe devient par là quoi? Une obligation, na'am. Et alhamdoulilah, ici dans cette mosquée, walillah alhamd, hein, il y a des cours, hein, pour tous les niveaux, walillah alhamd. On a nos frères, jazallahu le khairan, on a notre frère qui est à l'arrière là, le frère Abdelkader, on a le frère Saïd, on a Abu Sahib, pour les frères qui sont beaucoup plus avancés, hein, qui sont des arabophones, qui rentrent dans les arabes du Coran et des hadiths et des chi'r al-jahili. Hein? Alhamdulillah, on a alhamdulillah, la ni'ma ici. On a encore d'autres frères, notre frère Mouad que j'ai oublié, notre frère soudanais. On a plein de frères, à tel point que j'en oublie. Alhamdulillah. Hein? On a plein de frères qui donnent cours, alhamdulillah, hein? À plus ou moins tous les niveaux. D'accord? On a même des cours de Coran, alhamdulillah. Hein? Il y a des frères de Coran qui donnent même cours en dehors de la mosquée, hein? 3 fois par semaine, gratuitement. Yani, subhanallah, il y a une mosquée. Personne ne vous empêchera de pratiquer la sunna et d'apprendre, c'est la mosquée des gens de la sunna ici, alhamdulillah, hein? Apprenez la religion, prenez yani, cette ni'ma d'Allah azza wa jal, cette opportunité de pouvoir apprendre la langue arabe, hein? En attendant que vous puissiez faire la hijra par exemple, ou puissiez aller étudier dans un pays arabe. On est ici, en attendant il faut quand même apprendre, hein? Donc ça c'est une nasiha de ma part, hein? Et c'est pour aussi un peu me, hein, comme ils disent en anglais, to free myself, hein? Parce que Je vous dis, vous êtes dépendant quelque part de ma traduction. Hein? D'accord? Donc, apprenez la langue arabe et prenez Bissanad al-A'la, comme on dit. Prenez des savants directement. D'accord? Donc ici, où j'en étais encore? On va commencer l'explication de Shir Bezmoul, c'est ça? Hein? D'accord. Donc Shir Bezmoul, il commente ce passage, Hafidahullah, et il dit, ce chapitre comprend quatre jugements. هذا الفصل تضمن عدة أحكام. Plusieurs jugements, il a dit. الحكم الأول أن المصلي إذا كان لا يستطيع القيام له أن يصلي قاعدا. عليكم السلام. يدل عليه حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الحديث فيه بيان حكم صلاة المسلم إذا كان عاجزا أو غير قادر على الصلاة قائما. فالحكم أن يصلي جالسا فإن لم يستطع صلى على جنب وإلا يومئ إيماء كما جدي الإيماء on avait déjà parlé de l'ima hein d'accord كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم donc qu'est-ce que le Cheikh Bezmoun nous dit dans ce premier jugement il dit si le prieur c'est-à-dire celui qui prie le musalli n'est pas capable n'a pas la capacité de prier debout Il peut prier assis. Ce site est indiqué par le hadith d'Imran ibn Hussein. Hein? Je vous donne référence. Fath al-Bari, Shah Sahih al-Bukhari, numéro 115. Il y a dans ce hadith hein, la mise en évidence du jugement du hukm, de la prière du musulman, s'il ne lui est pas possible, ou s'il n'est pas capable de prier debout. Hein? Alors, c'est-à-dire quoi de prier alors? Assis. S'il n'en est pas capable, qu'il prie sur le côté, sur le flanc. C'est-à-dire que quoi ? Si on n'est pas capable de prier debout, ou si on n'a pas la possibilité, on prie assis. Et si on n'est pas capable, on prie sur le flanc, yani à la jambe, hein, allongé. Ou sinon, qu'il prie en faisant des mouvements de tête, en penchant la tête. Vous voyez que j'ai traduit directement par le sens. Hein, si vous regardez dans le dictionnaire, Aouma'a, vous allez trouver gesticuler. Si vous regardez dans Abdelmour en deux volumes, vous allez trouver Aouma'a, hein, vous allez trouver gesticuler. Et pourquoi moi j'ai traduit ça par le mouvement de la tête ben, on l'avait déjà vu dans notre cours, c'est comme ça que l'expliquent les savants. Hein? Et je vais vous rapporter, Inch'Allah, la traduction, de, ou plutôt l'explication de ce mot-là, de Ibn al-Athir. Et c'est un savant dont je vous ai déjà parlé. Qu'est-ce qu'il a fait comme livre, Ibn al-Athir? Qui est très important comme livre à voir à la maison. Qu'est-ce qu'il a fait comme livre? Il y a certains d'entre vous qui l'ont. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il écrit, vas-y, dis. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'il écrit « An-nihaya fi gharib al-hadith ». C'est-à-dire qu'il y a des mots hein, dans le hadith. Comment vous êtes toujours dans le livre de Cheikh Rabia? Vous vous souvenez « gharib al-hadith » ou « mufradat al-hadith » Il donne la définition, le sens plutôt, de certains mots dans certains hadiths. Et quand vous regardez à « Aouma'a », il dit, et je vais vous expliquer après, Inch'Allah, que c'est le fait de bouger la tête dans le hadith. Et que dans la langue, ça veut dire autre chose, Ani. D'accord ? On va voir ça après, Inch'Allah. Ala kulli hal. Donc, je répète ma phrase. Il y a dans ce hadith la mise en évidence du jugement de la prière du musulman s'il ne lui est pas possible ou s'il n'est pas capable de prier debout, de prier alors assis. S'il n'en est pas capable, qu'il prie sur le côté, sur le flanc. Ou sinon, qu'il prie en faisant des mouvements de tête, en penchant la tête, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Alors ici justement, note du traducteur comme j'ai mis ici le verbe aouma'a a été traduit par mouvement de tête. Car à la base, aouma'a c'est comme l'a dit Ibn al-Athir, al-isharatu bil-a'da'i kar-ra'si wal-yadi wal-ayni wal-hajibi wa innama yuridu bihi ha-huna al-ra's. Hein? Je répète en arabe. Al-isharatu Hein, on peut même l'étudier. L'isharatu bil a'da'i wal ra'si wal yadi wal 'ayni wal hajibi wa innama yuridu hahuna yuridu bihi hahuna ar-ra's. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire faire des signes, gesticuler les membres qu'on appelle l'a'da', hein, comme la tête, la main, l'œil ou le sourcil. Hein? D'accord? Et ce qui est voulu ici, c'est uniquement la tête. Je vous donne la référence. Et c'est une parole donc, du grand savant, l'imam Ibn al-Athir, rahimahullah, dans son An-Nihaya, fi gharib al-hadith, page 52. Et je vous donne l'édition que j'ai moi. C'est une très belle édition qui a été faite dans un grand volume comme ça. Hein, c'est en un volume, ils l'ont regroupé en un volume, aux éditions Ibn al-Jawzi. D'accord ? Cheikh continue en disant le deuxième jugement. الحكم الثاني الذي تضمنه هذا الفصل حكم الصلاة صلاة التطوع جالسة مع القدرة مع القدرة على القيام فأقول يعني شيخ بزمول évidemment إذا كان المسلم يقدر على القيام ولكنه أراد أن يصلي صلاة النافلة صلاة نافلة غير الصلاة المفروضة فإن شاء الأجر كاملا لهذه الصلاة فليصلي قائما فإن صلى جالسا مع القدرة على القيام صحت صلاته ولكن لم يثبت له من الأجر إلا النصف والدليل على ذلك ما جاء في حديث عمران رجل عنه أرضاه قال سألته عليه الصلاة والسلام عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما وفي رواية مضطجعة فله نصف أجر القاعد والحديث في صلاة التطوع لأن القيام في صلاة الفرد ركن على القادر ولا يخير القادر عليه بين فعله وتركه والله يقول وقوموا لله قانتين سورة البقرة فقوله صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو أفضل المراد به صلاة التطوع لا صلاة الفرد لأن صلاة الفرد يجب فيها القيام مع القدرة بل هو ركن أما إذا كان عاجزا عن القيام فله أن يصلي جالسا صلاة الفرض وله الأجر كله أما صلاة النفل فإذا كان قادرا على القيام فيقدر أن يصلي قياما فإن لم يصلي قياما وصلى جالسا مع القدرة على القيام فصلاته صحيحة ولكن فاته نصف الأجر. Donc qu'est-ce que nous dit ici, hein? Je sais que c'est un peu long pour les frères qui comprennent pas l'arabe, à la coulée hal, c'est pour justement vous permettre de tout avoir en français après. Il nous dit donc le deuxième jugement compris dans ce chapitre, c'est quoi, hein? C'est donc le jugement de la prière surrogatoire en position assise en ayant la capacité de prier debout. Donc vous vous situez ou pas, hein? Le jugement de la prière quoi? Surrogatoire en position assise en ayant la capacité de prier debout. Je dis, évidemment c'est pas moi, c'est Cheikh Bezmoul. Si le musulman est capable de se tenir debout, mais il veut prier une prière surrogatoire, c'est-à-dire que ce qu'on a dit, pas une prière parmi les cinq prières qu'on appelle mafrouda, hein, s'il veut une récompense complète pour cette prière, qu'il prie donc debout. Hein? S'il prie assis, en ayant la capacité de se tenir debout, sa prière est valide. Parce que pourquoi on a dit c'est une prière surrogatoire? Mais il n'obtiendra pas, quoi? Il n'obtiendra que la moitié de la récompense. Hmm? Et la preuve de cela réside dans le hadith de Imran ibn Hussein, hein, radiallahu anhu ardah, il dit, je l'ai questionné, c'est qui évidemment, hein, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, hein, sur la prière d'un homme assis. Il répondit, qui? Le prophète, alayhi wa sallam, celui qui prie debout, cela est meilleur, afdal, c'est mieux, c'est meilleur, hein. Et celui qui prie assis, il a la moitié de la récompense de celui qui prie debout. Et celui qui prie couché ou allongé, il a la moitié de la récompense de celui qui prie assis. Hein? Et ce hadith est au sujet, c'est Cheikh Bezmoul qui parle maintenant, et ce hadith est au sujet de la prière surrogatoire. Car la position debout dans les cinq prières obligatoires, c'est quoi? C'est un pilier, barakallahu fik, naam, c'est un rukn. Hein? Pour celui qui en est capable. Le choix n'est pas laissé, hein, le verbe en arabe ici utilisé, la yukhayyaru, hein, la yukhayyar. C'est-à-dire que quand on ne te donne pas, hein, le khayyara, on ne te donne pas le choix. Hein. Le choix n'est pas laissé à celui qui est capable de prier debout. Et la traduction du sens de la parole d'Allah a dit, et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Surat al-Baqarah. La parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui prie debout est mieux. C'est-à-dire quoi? C'est afdal. Ce qui est voulu par cela, c'est la prière surrogatoire, pas la prière, ce qu'on appelait quoi ? Farida. Car il est obligatoire de prier debout dans la prière obligatoire si on en est capable. De plus, c'est même un pilier, bel huwa ruknun, comme il dit le cheikh ici. Tandis que s'il n'a pas la capacité de se tenir debout, il n'a pas la capacité de se tenir debout, il lui est permis de prier assis, la prière farida, même dans la farida, il lui est permis de prier assis. Hein? Donc ce qu'on a dit, une des cinq prières. Et sa récompense est complète. Hein? D'accord? Tandis que la prière surrogatoire, s'il est capable de prier debout, mais qu'il prie assis, sa prière est valide, mais il aura fatatou, comme il a dit Cheikh ici, hein, il aura laissé passer, il aura laissé la moitié de la récompense. Hein? Ne vous inquiétez pas, on va résumer après, inshallah. Troisième jugement, al-hukmu al-thalith. Qawlu Cheikh al-Albani rahimahullah. C'est pour ça ici que j'ai dit que tout à l'heure que Cheikh il allait faire un point sur la phrase al-muradu bihi al-marid. قول الشيخ الألباني رحمه الله والمراد به المريض انتهى كلامه رحمه الله أقول صديق الشيخ بزمول إذا كان المريض يصلي صلاة الفرض عن جلوس فإن له الأجر كاملا فلا يصح أن يحمل هذا الحديث على المريض مطلقا. Qui sait m'expliquer qu'est-ce que الشيخ بزمول veut dire ici? C'est assez facile à comprendre. Je vous répète la phrase en arabe. المراد به المريض. C'est-à-dire que quoi que c'est mutlaq ici, al-marid. C'est-à-dire que Cheikh il dit ici, hein, فَلَا يَصِّحُ أَنْ يُحْمَلَ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى الْمَرِيدِ مُطْلَقًا. Regardez la suite. إِنَّمَا الْمَرِيدَ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ وَلَكِنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ وَهَذَا فِي صَلَاةِ النَّفْلِ لَا فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ هَذَا الَّذِي يَظْهَرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Donc qu'est-ce que dit Cheikh Bazmoul, حفظه الله تعالى, en commentaire de ce passage du troisième jugement? Le troisième jugement, la parole de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, on désigne dans ce hadith la personne malade. Al-Muradu bihi al-Marid. Fin de citation de Cheikh Al-Albani. Je dis, c'est-à-dire Cheikh Bazmoul, si le malade prie, hein, la farida, assis, il a une récompense complète. Il n'est donc pas correct de rattacher le hadith au malade de manière absolue. Mutlaq. Vous vous rappelez qu'on avait parlé de nadr al-mutlaq, al-mu'allaq, hein? C'est un mot que vous connaissez, absolu, hein? Mais seulement le malade qui est capable de se tenir debout, mais cela lui est difficile. Et ceci est dans la prière, hein, surrogatoire. Je vais prêter ton bic, j'ai fait une petite erreur ici. Ceci est dans la prière, comme on a dit quoi, nafl, hein, prière surrogatoire, mais pas dans la prière farida. Et c'est ce qui est, ce qui apparaît, et Allah est plus savant, comme dit Cheikh Bazmoul, hafidahullah ta'ala. Le quatrième jugement compris dans ce chapitre. الحكم الرابع الحكم الرابع الذي تضمن هذا الفصل هو أن المريض لو صلى قاعدا كما تقدم في الفصل السابق أنه يومئ ويجعل سجوده أكثر من ركوعه وليس عليه أن يضع وسادة أو شيئا يركع عليه يضع عليه جبهته إنما يومئ إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه والدليل على هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها ورمى بها وقال صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومي إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. والمعنى إذا أردت أن تصلي جالسا ولم تستطع أن تضع جبهتك على الأرض فلا تجعل وسادة أو عصا أو مثلها بينك وبين الأرض تقرب الأرض إليك وتسجد عليها إنما أومي إيماء ويكفيك أن تجعل الإيماء بالسجود أخفض من الإيماء بالركوع. وقد لخص الشيخ رحمه الله أحكام هذا الفصل في تلخيص صفات صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فقال القيام et ainsi de suite. On va d'abord traduire ça avant de rapporter le résumé. Quatrième jugement compris dans ce hadith, donc comme dit Cheikh Bazmoul, hafidahullah, que le malade, s'il prie assis, comme nous l'avons vu, hein, dans la partie précédente, penche la tête. Hein? Il la penche plus, hein, lors de sa prosternation que lors de son inclinaison, plus dans le sujoud que dans le recours. Et il ne doit pas mettre un coussin ou autre sur lequel il va s'incliner et déposer son front. Il penche sa tête en se penchant plus pour la prosternation que pour l'inclinaison. Et pour preuve de cela, le hadith du prophète, le hadith, que le messager d'Allah a visité un malade et il l'a vu prier sur un coussin qu'il a pris et jeté, et il dit « Prie par terre si tu peux, ou sinon, hein, ce qu'on appelait, on appelait tout à l'heure faire l'imam avec la tête, hein, c'est-à-dire pencher la tête, hein, faire un mouvement de la tête, et faire plus lors de ta prosternation que lors de ton inclinaison. » Et le sens de cela est, si tu veux prier assis, et que tu ne peux pas déposer ton front sur le sol, ne te donne pas un coussin ou un bâton ou autre chose entre toi et le sol, et qui te rend le sol plus proche de toi, hein, et que tu te prosternes dessus. Tu penches la tête uniquement, et il te suffit de pencher plus pour la prosternation que pour l'inclinaison. Hein? Et Cheikh Al-Albani, justement, rahimahullah, et ça je voudrais que vous notiez, c'est important, hein? Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il fait le résumé de ça en quelques points, c'est très court et ça clarifie tout. Hein? Il dit, فقال رحمه الله القيام أولا ويجب عليه أن يصلي قائما وهو ركن إلا على المصلي صلاة الخوف والقتال الشديد فيجوز له أن يصلي راكبا والمريض العاجز عن القيام فيصلي جالسا إن استطاع وإلا فعلى جنب والمتنفل فله أن يصلي راكبا أو قاعدا إن شاء ويركع ويسجد إيماء برأسه وكذلك المريض ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. Hein? Premier point ici du résumé, et ça en deux points inchallah de toute façon, il t'est obligatoire de prier debout. Donc première chose, il t'est obligatoire de prier debout. Et c'est un pilier. Hmm? C'est un rukn comme on a dit. Sauf, alors là il y a déjà quoi, hein? Une exception, pour celui qui prie la prière de la peur et du combat féroce. Hein? Il lui est autorisé à celui-là de prier sur sa monture. D'accord? Vous suivez ou pas ça va? Hein? Et le malade qui n'est pas capable de se tenir debout, il prie assis, s'il peut, sinon, comme on a dit quoi tout à l'heure? Hein? Allongé, naam. Non. Tandis que celui qui prie une prière surrogatoire maintenant, hein? Tandis que celui qui prie une prière surrogatoire peut prier sur sa monture. Hein? Ou assis. D'accord? S'il veut. Et il s'incline et se prosterne en penchant de la tête. Il en est de même pour le malade. Et il se penche plus lors de la prosternation que lors de son inclinaison. On a fini le premier point. Je lis en arabe le deuxième, et puis ensuite on aura fini, inshallah. ثانيا ولا يجوز للمصلي جالسا أن يضع شيئا على الأرض مرفوعا يسجد عليه، وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه كما ذكرنا إذا كان لا يستطيع أن يباشر الأرض بجبهته. انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. عليكم السلام. Deuxième point, pour résumer tout ce qu'on a dit en guise de synthèse, il n'est pas permis à celui qui prie assis de quoi de mettre quelque chose par terre, hein, qui va être élevé, hein, comme on a dit tout à l'heure. Par terre élevée et qu'il se prosterne dessus. Ça va, c'est clair? Il ne doit que rendre sa prosternation plus bas que son, ou plus basse, voilà que l'on fait pour la correction ici en français, plus basse que son inclinaison. Hein? Comme nous l'avons dit, s'il n'est pas capable de déposer son front sur le sol. D'accord, il ne doit rien mettre. Hein? S'il n'est pas capable de déposer son front sur le sol, qu'est-ce qu'il fait? Il se penche de la tête, plus pour le sujoud que pour le Rukua. D'accord? Fin de citation de Cheikh l'Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et donc c'est tiré de quoi? J'avais dit qu'on allait voyager entre les trois livres. Hein? C'est le Mulakhas, la plus petite édition, l'édition la plus résumée de Cheikh l'Albani de Sifat Salah. Hein? Et vous voyez qu'ils sont complémentaires. Hein? C'est pour ça que des frères de foi ils posent la question, ils disent, ouais, mais moi j'ai un volume, c'est bon, je ne dois pas acheter le résumé. Mais j'ai le résumé, c'est bon, je ne dois pas acheter un volume ou les trois. Après, tu achètes les trois. Hein? Et Cheikh Al-Fawzan, dans le Sharh Al-Arba'a Nawawiya, il rapporte sur le hadith du fait de chercher une voie pour Talab al-Ilm, que le fait d'acheter des livres, ça rentre là-dedans. Le fait d'acheter des livres, ça rentre là-dedans. D'accord? Subhanallah, les salafis, en général, quand vous voyagez un peu, ils sont connus pour Talab al-Ilm, comme j'avais déjà dit depuis longtemps. La parole du Cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali, il a dit, من خصائص الفرقة الناجية حرصهم على جمع العلم الشرعي. Parmi les spécificités du groupe sauvé, leur attachement, le hirs, à quoi? Le fait de jam'a, de regrouper, c'est-à-dire d'acquérir la science, légiférer la science, la religion. Et vous voyez qu'en général, quand vous voyez les frères salafis, dans Talab et dans les livres, parce que Talab dans les livres, sans les livres, d'accord? Donc il faut avoir cet amour des livres, il faut avoir le fait et vous voyez les fawaïd qu'on a en achetant même des fois plusieurs versions du même livre, parce qu'ils sont complémentaires. Il y a la version, comme on avait dit, la résumée de Cheikh Al-Albani Rahimullah, qui est en quelques pages, puis vous avez le livre qui a été traduit en français en un tome, et puis vous avez l'édition en fait qu'il travaille de toute sa vie, en trois volumes, qui est l'Asl comme il l'a appelé, Asl Sifat Salat Nabi alayhi salatu salam, et qui a été édité, qui fait plus de 1200 pages plus ou moins. D'accord? Ça va? Et je ne vais pas refaire le cours à les éditions. Pour les frères qui n'étaient pas là ou les gens qui sont sur internet, ils pourront trouver sur notre site, Inch'Allah, le tout premier cours qu'on a fait de Cheikh Bezmoul. J'avais fait un cours sur quoi? Les éditions, etc. D'accord? Wa barakallahu fikum, wallahu a'lam, wa sallallahu salam ala nabiya Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa jama'in, wa subhanakallahu wa bihamdik, ashadu wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.